pour des remorques fiables, robustes et de très grande qualité. C'est chez Remorque 2000 qu'il faut aller. Nous fabriquons des remorques en aluminium dont la structure est garantie 5 ans. Pour plus de détails, visitez notre site web au remorque2000.com. Remorque 2000, au 643 Dequin, Dolbeau-Mistassini, au 418-276-9383. Toute notre équipe invite la population à acheter localement pour soutenir notre économie. Les Nationals de Washington ont perdu hier. Est-ce que ça commence à ressembler aux Sharks de San Jose? On en parle avec une table ronde ce matin. Je suis tellement fier un matin d'avoir pas mal le meilleur gars actuellement de radio de sport au Québec. Moi, ce que je le considère, puis chez les médias sociaux, c'est pas mal partagé mon opinion. Derek Aucoin pour une première fois à radiosport.com. Salut Derek! Salut, ça fait plaisir, merci pour les bons mots, puis merci de l'invitation surtout. Et évidemment, notre collaborateur régulier, Bruno Boudreau. Salut Bruno! Salut Dan, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Avant de commencer à poser la question, est-ce que les Nationals de Washington, ça commence à ressembler aux Sharks de San Jose? Il y a une nouvelle évidemment cette semaine. Après les Blue Jays de Toronto, probablement que les Red Sox de Boston, c'est l'équipe du Québec. Même, je pourrais même dire, c'est pas mal ex-aequo avec les Jays. John Farrell ne sera pas de retour. Il y avait beaucoup de pression à Boston. Derek, il y a des. Es-tu surpris vraiment, toi, de voir que John Farrell n'est pas de retour à Boston? Ça ne semble pas vraiment surprenant. Ben, écoute, c'est moins surprenant aujourd'hui dans l'ère où c'est vraiment le président de l'équipe qui gère pas mal tout. Là. Okay. Dave Dombrowski, on se cachera pas qu'il y a pas mal le contrôle absolu à Boston. Même le DG, il n'y a pas vraiment de contrôle. Fait que, tu sais, c'est une job de résultat. Puis t'as beau finir en première place, ça fait deux années de suite que les Red Sox se font montrer la porte assez vite là. Ouais. Je pense ont balayé les deux dernières années les boys. Fait que, tu sais, c'est une job de résultat d'amener l'équipe au prochain niveau. Puis à un moment donné, tu sais, on n'est plus de chum. À un moment donné, on s'entend plus. Puis si tu fais pas le job, ben il va falloir qu'on trouve une autre solution. Puis je pense que Dombrowski et les Red Sox étaient rendus là. Fait que tu sais, c'est ça. C'est dommage parce que t'es un gars qui gagne, t'es un gars qui. Ben oui. Qui quand même fait pas de mauvais job. Il a battu un cancer. Les Red Sox se faire montrer la sortie comme ça deux années de suite, c'était inacceptable. OK. Bruno, dans les successeurs actuellement, évidemment, le nom de Chili Davis va revenir. Chili Davis qui était quand même assez... souvent mentionné pour aller diriger ailleurs. C'est sûr qu'il devient un candidat numéro un. Je veux t'amener sur des noms actuellement qu'on en a parlé lors de notre dernière chronique. Je te disais peut-être que le lundi noir, il pourrait peut-être passer, compte tenu que ça fait longtemps qu'ils dirigent leur équipe. Puis je veux t'amener à des gens qui sont encore avec l'équipe, qui n'ont pas été congédiés avec leur équipe, qui n'ont pas été congédiés, qui pourraient. Parce que diriger les Red Sox de Boston, c'est comme diriger le Canadien de Montréal. Donc, à Boston, t'as de la pression. C'est pas n'importe qui peut diriger les Red Sox. Tu peux pas diriger les Red Sox comme tu diriges les Mariners de Seattle. Je veux t'emmener sur deux gars. Oh, je t'ai posé la question lors de la dernière chronique s'il pourrait passer au lundi noir. Mike Shoshia. Ça fait longtemps qu'il avait été avec les Angels d'Anaheim et Bruce Bochy. Est-ce que ça pourrait être deux candidats intéressants pour diriger à Boston, compte tenu que le marché de Boston, c'est un marché particulier? Ben, en fait, si les deux viennent disponibles, c'est certain que ça devient des candidats intéressants parce que un des éléments que j'ai remarqué du côté des Red Sox, puis on fait toujours la comparaison avec les Yankees, on n'a pas le choix, c'est comme les deux grands rivaux. Puis quand tu regardes pourquoi les Yankees ont passé puis pourquoi les Red Sox ont passé, je pense pas que ça soit le gérant. Là. Je vois pas comment Joe Girardi a été meilleur que John Farrell dans cette série-là. Le problème des deux équipes actuellement, en fait, des Red Sox versus les Yankees, c'est le leadership. Ouais. Il n'y a plus de leadership dans cette équipe-là. Les jeunes qui sont là, que ce soit les Bogarts, que ce soit les Bradley Jr., que ce soit les Mookie Betts, on les appelait les Killer Bees, mais on est loin de ce qu'on avait du côté des Astros dans les années 2000. C'est des gars qui sont bons, c'est du talent pour talent avec les Yankees, je pense qu'on est capable de compétitionner. Mais quand on regarde un peu le grit, le caractère de ces joueurs-là, même les lanceurs qu'on a acquis, des gars comme David Price, des gars comme Chris Sale, ouais. C'est des joueurs qui se sont pas levés, puis il manque d'émotion dans cette équipe-là. Ça va prendre un gérant pour donner le coup de barre, parce que si on a un gérant qui arrive là, puis qui est un bon gérant, qui est un bon communicateur, qui est quelqu'un capable de bien développer les jeunes, ça va donner ce qu'on a vu encore cette année, une équipe qui va gagner 90-95 matchs et qui va faire rapidement monter la porte en série. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de noms qui circulent. Tu as nommé des noms qui, présentement, ne sont pas sur le marché. Est-ce que s'ils deviennent intéressants? Absolument. Mais il y a d'autres gars aussi qu'on entend parler du côté de Boston, des gars comme Jason Veritek. Oui. Il y a beaucoup de monde qui le voit dans leur soupe parce qu'ils se disent, justement, le talent est là, on a besoin peut-être d'un capitaine à bord. Chose que si tu regardes du côté des Yankees, à l'inverse, oui, Girardi fait longtemps qu'il est là puis fait quand même un travail honorable. Mais si tu regardes Gardner qui ont pris les choses en main dans cette série-là, c'est des gars comme Cici Sabathia qui ont montré le chemin aux plus jeunes. Puis même dans la série contre Houston, Boston, oui, Altuve est excellent. Correa, ils ont des excellents joueurs, les Astros, c'est une super équipe de balle. Mais tu as des vétérans aussi qui se sont greffés, des McCann, des Beltran, des Verlander. Puis tu n'avais pas ça du côté des Red Sox. C'est pas les mêmes vétérans que tu avais dans cette équipe-là. Donc oui, il y a un parti du blanc qui venait à Farrell. Puis oui, ça va prendre un changement au niveau du gérant. Mais j'ai comme l'impression qu'on manque aussi de leadership. Ça va en prendre du côté de la prise de promotion. OK. Derek, qu'est-ce que... Raison, ouais. Bruno, je veux juste embarquer là-dedans. Parce que Bruno, il y a même des bons points de caractère, de grit, que j'ai bien aimé. Parce que j'imagine la conversation va s'amener dans la même direction, mais qu'on parle des Nationals. Mais juste avant... J'ai deux autres noms, là, puis il y en a un que vous allez peut-être vous prendre par surprise, mais je vois plus avant tous les noms que vous avez mentionnés, moi, vous dire, là, celui qui mène là, présentement, selon moi, là, c'est Ron Gardenhire. Ah, les Twins du Minnesota. Les Twins. Ouais. Que Dave Dombrowski connaît très bien parce qu'évidemment, il s'est mesuré aux équipes des Twins longtemps en centrale américaine quand il était à la barre des Tigers. Gardenhire était avec Torrey Lovello en Arizona. Je pense qu'il y a le profil presque parfait pour prendre les Red Sox. Puis il y a un autre qui va sortir du champ gauche, mais soyez pas surpris si vous entendez des rumeurs là-dessus bientôt. Là. Joe Girardi. Joe Girardi. Parce que Joe Girardi des Yankees, là, je peux quasiment dire à 90%, il ne sera pas de retour avec les Yankees l'an prochain. Peu importe ce qui se passe, puis je pense qu'il y a des chances que les Red Sox fassent un play assez agressif pour lui. Ça semble fou, mais ce que j'entends, là, ça pourrait se passer, ça. Hey, mais ce que tu dis là, c'est comme l'équivalent de Michel Bergeron qui aurait fait le switch des Nordiques aux Canadiens dans le temps. On est rendu là. Hey, Derek, les Nationals de Washington, c'est-tu les Sharks à nausée? Je m'explique. Quand il y a une fenêtre qui s'ouvre, il faut que tu rentres dedans, sinon tu vas échouer. Les Sharks, on l'a vu. Est-ce que les Nationals, c'est la même affaire? Écoute, je ne peux pas te dire la composition de l'organisation des Sharks dernièrement, parce qu'il y a des gars, quand même que j'aimais là-dedans, mais Bruno a parlé de grit, a parlé de caractère, puis j'ai juste la misère à trouver ça dans le vestiaire des Nationals. Tu sais, j'ai Scherzer, c'est un gars que j'aime beaucoup, mais à partir de là, je suis comme bloqué. Il n'y a pas d'autres gars qui me sautent là, que je me dis je m'en vais à la guerre, moi mon t'sais, de l'arrière par 5 en 9e, là, c'est qui que je veux au bâton, c'est qui que je veux au monticule. Je les trouve pas. C'est qui que je veux gérer mon équipe, je les trouve pas. Puis peut-être que j'ai un parti pris ou peut-être que je suis influencé parce que à cause de toute l'historique entre les Expos puis les Nationals puis le fait que les records des Expos ou les Expos ont été effacés de vraiment toute identité des Nationals, je sais pas si c'est ça, mais quand je regarde les deux équipes, les Cubs et les Nationals, il y a une équipe que je suis capable d'identifier plusieurs joueurs que, tu sais, quand ça va mal là, j'irai à la guerre avec sur un terrain de baseball. Puis je suis pas capable de trouver ça dans le vestiaire des Nationals. Bruno, rapidement là-dessus, Joe, il parle de ça, mais tu rappelles-toi de Joe Thornton, tu as autant l'hockey que le baseball. Joe Thornton a été souvent mentionné dans les belles années, ce qu'on disait avec les Sharks, la fameuse sonnette. On reproche beaucoup à Joe Thornton ça. Est-ce que le parallèle est bon, hein? Non? Ben, en fait, tu sais, même Joe Thornton, on parle des Sharks, même à Boston, on se rappelle en début de carrière, le Canadien qui avait eu plusieurs bonnes séries contre Boston, puis on avait sorti Boston qui finissait premier, deuxième dans l'Est, qu'on voyait comme finaliste à la Coupe Stanley. Ça se concrétisait pas. Mais un élément, moi aussi, du côté des Nationals, c'est, je regarde les joueurs de talent dans cette équipe-là. Tu sais, les Bryce Harper, les Stephen Strasburg, c'est deux joueurs là, que le talent leur sort par les oreilles. Puis Strasburg a bien fait la sa décharge cette année, mais il a quand même remporté seulement sa première victoire en série en carrière, alors que les Nationals sont là presque à chaque année. Puis l'autre élément que j'ai remarqué, c'est je trouve que les joueurs sont stoïques. En dehors de ces joueurs-là, tu regardes des gars comme Zimmerman, tu regardes des gars comme Anthony Rendon, c'est des bons joueurs de balle, mais quand ça compte, tu regardais dans le match en pause hier, certaines présences au bâton, tu regardes des gars comme Chris Bryan, qui n'a pas une grosse série, mais qui a eu plusieurs bonnes présences hier. Tu regardes un gars comme Anthony Rizzo, qui sont pas capables de retirer, qui coupe son bâton, qui fait des petites choses. Ouais. C'est ça qui a fait la différence en bout de ligne. Dans une série serrée comme ça, ça se joue sur les détails. Puis Washington, sont chanceux là, que leur jeune joueur de chantante a joué les héros là, dans les. Même hier, il a frappé un circuit de 3 points. Ils ont été chanceux d'avoir un apport de production offensive du bas de leur alignement, parce que dans cette série-là, si on regarde le reste de l'ensemble de l'œuvre, les Cubs ont été dominants. La seule chose que je dirais qui est peut-être positive dans le cas des Nationals, pour moi, c'est vraiment le futur. Parce que c'est une équipe qui est encore bien composée, qui a des joueurs qui sont là pour longtemps. Puis normalement, dans la division Ouest, qui est plutôt faible, devrait avoir d'autres occasions de revenir en série. Mais ça va prendre du changement, ça va prendre peut-être un nouveau gérant encore, parce que Dusty Baker est peut-être rendu au bout du rouleau. Ouais. Ça va prendre des vétérans, ça va prendre d'autres lanceurs pour entourer Scherzer. Ça va prendre quelque chose. OK. Hey, Derek, je veux t'entendre, parce que moi et Bruno, on était d'accord avec dans la séquence des Indiens de Cleveland. On s'en parlait, puis Bruno était 300% d'accord avec moi. Je disais Bruno, j'ai dit, moi, je t'inquiète, ma Petteri Francona, je serais inquiet. Cette équipe-là est en train de piquer pas au bon temps, elle pique trop de bonheur. Et là, je pense que ça nous a donné raison, ce qui s'est passé avec les Indiens de Cleveland. Hier, quand je t'ai demandé de faire l'entrevue, tu as dit, c'est un bon point, ça. J'ai dit, moi, j'ai ma théorie là-dessus. J'aimerais ça l'entendre. Ben, écoute, c'est sûr que entrer dans les séries avec un momentum, c'est pas négligeable. Tu sais, si tu rentres dans les séries, ça va, tu viens d'en gagner 9 sur 10, t'as cette confiance-là. Par contre, il y a des fois que t'as aussi besoin que la saison se termine, puis tu repars à zéro. Comme dans le cas des Dodgers de Los Angeles, qui ont eu un mois de septembre horrible, eux autres, que la saison se termine, puis, regarde, on repart à zéro. On a quand même gagné 104 matchs. Puis, ce qui est arrivé dans le mois de septembre, on s'en fout. On a perdu 16 de 17, on s'en fout. On repart à zéro. Fait que, tu sais, le contraire est aussi vrai. Mais quand on regarde la séquence des Indians, là, tabarnak, t'avais Ramirez qui a frappé 430 dans la série, puis t'avais Lindor qui a frappé pas loin de 400 dans la série. Il était où eux autres dans les 5 matchs contre les Yankees? C'est là le problème. C'est pas qu'ils ont eu trop de succès trop tôt. C'est que les gros éléments qu'ils ont transportés, tu sais, la perte d'Edwin n'est pas négligeable aussi. Là. Ouais. C'est sûr que la perte d'Edwin, la blessure d'Edwin au deuxième match, là, c'est une catastrophe pour les Indians. Fait que, tu sais, tu remplaces ça par Brantley qui avait quasiment pas joué la deuxième moitié de saison. Chisenhall, tu essaies de patcher les trous, mais le bâton d'Edwin, tu sais, quand Joe Girardi fait sa stratégie avec ses lanceurs, avec son personnel d'entraîneur, Edwin Encarnacion est au centre de ça. Là, tu t'enlèves cet élément-là. Fait que, tu sais, Ramirez, il se présente pas. Lindor, c'est pas Lindor. Puis t'as la perte d'Edwin. C'est trois gros spots dans l'alignement qui changent l'allure au complet. Puis ça s'est quand même rendu en scène. Fait que, tu sais, je l'haïs pas ton point. Je comprends ce que tu dis, mais c'est pas nécessairement ça. C'est quand tu regardes les éléments qui étaient vraiment les gros éléments dans la séquence victorieuse des Indians, ils ont simplement pas été au rendez-vous contre les Yankees. Bruno, là-dessus, je suis sûr que tu vas te rajouter parce qu'on s'en est parlé régulièrement. Oui, puis en fait, je suis un peu d'accord avec le point à Derek aussi. Dans le fond, le gros constat dans cette série-là, ça a été les gros éléments, les gros canons, le milieu d'alignement des Indians qui n'a pas fait grand-chose. Ça a fait la différence en bout de ligne. Puis, tu sais, les Yankees aussi, il faut leur donner crédit. Fin de saison quand même. C'est un club, tu sais, je regardais, tu sais, des gars comme... ils ont fait des bonnes acquisitions. Un gars comme David Robertson. Tu sais, on a beau à pas aimer les Yankees, il y a beaucoup de gens au Québec qui les aiment pas parce que c'est des partisans des Red Sox. Mais quand tu regardes actuellement les deux équipes, tu te dis, talent pour talent sur le terrain, ça peut se ressembler. Mais quand on parlait tantôt de leadership, on a vu des jeunes se lever comme Gregorius, Des gars comme Judge, même si Judge a une série horrible, ça reste un joueur important, charismatique. Il fait peur, ça donne de l'émotion. Puis ça, c'est des choses que les Yankees ont, puis qui ont bien fait dans cette série-là. Puis l'autre chose, moi, que j'ai pas aimé du côté des Indians, c'est que j'ai trouvé que Francona, il a un peu, je vais prendre l'anglicisme, il a un peu overmanagé un peu son équipe. Tu sais, je me pose des questions un peu, pourquoi Trevor, par exemple, lance deux départs dans cette série-là, alors que t'as un gars comme Dennis Salazar qui est en santé. Puis je me souviens très bien l'an passé, la conférence de presse après le 7e match de la série mondiale, Francona arrive sur le podium puis il dit tout simplement, on a manqué d'essence, on a demandé trop de lancer à certains joueurs clés dans notre équipe, puis il nous manquait nos lanceurs partants, nos Carrasco, puis nos Salazar, puis des joueurs comme ça. Mais là, cette année, Salazar, il est là, tu arrives dans le match numéro 4 à New York, t'es encore en avance 2-1, il fait lancer Bauer sur un court repos, je peux bien croire qu'il était dominant dans le match numéro 1, mais lorsque Salazar s'est présenté en relève, on a vu, il y avait du feu dans sa balle, donc je pense qu'on n'a pas été jusqu'au bout, on a pensé trop à court terme dans cette série-là, j'aurais préféré voir du côté des Indians, d'y aller avec une rotation à 4 lanceurs, puis en bout de ligne, quand au mois de septembre, n'était pas nécessairement placé au bon moment, mais en même temps, il y a de l'énergie qui a été gaspillée là, puis des gars comme Lindor, peut-être qui ont manqué d'essence aussi à ce moment-là. Effectivement. Donc, je trouve que dans les deux années, ça se ressemblait, parce que j'avais comme l'impression, quand j'ai vu Bauer au match numéro 4, j'avais l'impression que Francona gérait le match comme s'il n'y avait pas de lendemain, alors que c'est encore en avance 2-1. Moi, la balle, elle allait à Salazar à ce match-là. Ouais. Hey, Derek, juste finir là-dessus parce que, tu sais, nous autres, on analyse ça à distance, puis je trouve que, tu sais, on est des passionnés de balle, des passionnés de sport, puis on fait une bonne job avec l'information qu'on a, mais on n'a pas toujours toute l'information. Fait que, tu sais, ce que Bruno amène, je le comprends, puis on est en droit de se poser ces questions-là, mais j'aurais posé une question encore plus profonde que ça. Tu sais, je me serais posé que pourquoi c'est pas Kluber qui avait la balle le premier match de cette série-là? Mais quand tu regardes ça de loin, puis là, avec le recul, tu sais, Bauer, comment Bauer, il a la balle pour le premier match? Mais là, tu te rends compte que, justement, on n'a pas toute l'information. Fait que Carrasco, Salazar, Kluber, moi, je dis que ça cache quelque chose d'autre. Moi, je dis que Kluber a mal dans le dos. Puis Kluber a eu deux mauvais départs. Puis, tu sais, ça cache quelque chose. Mais Kluber, c'est un guerrier. Puis, on va peut-être le savoir un jour, peut-être qu'on va le savoir dans la saison morte, peut-être qu'on ne saura jamais. Mais les décisions qui sont prises, dites-vous toujours, quand on les questionne, c'est qu'on ne possède pas toute l'information. Et puis, l'information qui est là, si Terry Francona était avec nous autres à la ligne aujourd'hui, puis nous expliquait la décision, on dirait, ah ben oui, ben ça a de l'allure de même, c'est sûr, ça a de l'allure. Fait que, c'est on n'a pas toute l'information. Là. Effectivement. Eux autres, ils doivent négocier et ils doivent gérer avec les éléments qu'ils ont, puis l'état de santé de leurs joueurs. Effectivement. Hey, rapidement, puisque là, on a beaucoup de choses rapidement, puis je ne voulais pas prendre plus de votre temps. Une analyse chacun. Dodgers, Cubs, et puis Bruno, tu vois, je vais te demander ça, puis Derek, je vais te demander, tiens, Houston, New York. Bruno, vas-y avec les Dodgers contre les Cubs. Qu'est-ce qu'il faut surveiller? Je regarde, j'essaie de comparer depuis ce matin avec la série qu'il y a eu l'an passé entre les deux équipes. Ouais. Puis je pense que cette année, en tout cas, le constat que je fais quand je regarde, j'ai regardé les matchs en série, puis je suis beaucoup les Cubs, c'est une de mes équipes préférées. Je pense que les Cubs sont plus faibles que l'an passé. T'sais, ils ont été quand même chanceux de passer au travers de la série contre les Nationals. Les Nationals ont vraiment couru à leur perte, surtout dans le match d'hier. Ils étaient en avance, ils ont fait des erreurs. Les Cubs en ont profité, puis c'est correct pour leur donner crédit. Ouais. Ils se sont tenus dans le match, puis... Mais la relève est faible. Du côté des Dodgers, j'ai trouvé qu'ils ont joué une super bonne série contre les Diamondbacks. C'est une équipe qui faisait peur, qui avait eu du succès contre Los Angeles cette année. Puis même si Clayton Kershaw a été pas mal ordinaire, il a donné 4 circuits, entre autres, dans le premier match, on n'a pas nécessairement juste eu besoin de lui. Je trouve que Rich Hill est en santé. Yu Darvish a connu un super bon départ. Donc je pense qu'on a plus de profondeur tout simplement du côté des Dodgers. Plus fort au monticule, plus fort en relève, plus fort au bâton, mieux équilibré dans l'ensemble. Oui, les Cubs ont quand même une bonne expérience de l'année passée, mais juste pour toutes ces raisons-là, puis je pense que les Dodgers sont dus. Fait que je dirais que les Dodgers en 6 pour atteindre la série mondiale. Derek, Houston contre les Yankees. Écoute, j'adore l'histoire des Astros, j'adore l'équipe des Astros de Houston, la composition, le mix de vétérans, de jeunes super vedettes, super talentueux. Il y a toute l'histoire avec l'ouragan Harvey. C'est une équipe qui joue pas seulement pour eux-mêmes, c'est une équipe qui est unie. une équipe, c'est un gérant qui est brillant. Les Yankees, mais Colin, c'est les Yankees. Oui. N'importe quoi peut arriver. Puis là, Masahiro Tanaka qui a lancé le match de sa vie, lui, dans la série contre les Indians, qu'est-ce qu'il peut faire ce soir? Fait que, honnêtement, là, je trouve qu'on est chanceux avec les quatre équipes qui restent. Je pense qu'on va avoir deux séries exceptionnelles. Moi, j'ai un penchant pour les Yankees parce que c'est juste, la magie peut arriver n'importe quand, mais honnêtement, comme je le dis à tout le monde, là, n'importe qui gagne, on est chanceux. Ça va bien, tu sais, le baseball, là, c'est quatre gros marchés, c'est quatre équipes spectaculaires, il n'y a pas de perdant, là, dans la série. Fait que je peux me prononcer par mon cœur et dire, regarde, je veux voir les Yankees en série mondiale, mais si tu me dis les Astros vont gagner en 6 ou en 7, je vais être content aussi parce que ils méritent, les partisans le méritent, puis c'est une équipe qui est vraiment, vraiment le fun, un privilège à regarder. Ouais. Derek et Bruno, un gros, gros, gros merci. Derek, ce fut fort intéressant. Bruno, ben nous, on s'en parle dans 15 jours. La prochaine, je vais parler avec Jacques Doucet. Fait que dans 15 jours, Bruno. Et Derek, ben moi, je te remercie beaucoup. Puis bon golf aujourd'hui, puis ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir pour la première fois. Hey, n'importe quand. Merci, Bruno. Un plaisir. Bon week-end à vous. Mais Derek au coin et Bruno Boudreau, on parle des séries dans le baseball.